Mon beau sapin, roi des forêts, que j'aime ta verdure. Mon beau sapin, roi des forêts, que j'aime ta verdure. Quand par l'hiver, bois aigrés sont dépouillés de leurs attraits, mon beau sapin, roi des forêts, tu gardes ta parure. Toi que Noël planta chez nous au saint anniversaire, toi que Noël planta chez nous au saint anniversaire. Joli sapin comme ils sont doux, et tes bonbons et tes joujoux, toi que Noël planta chez nous par les mains de ma mère.